Nous sommes mercredi 10 mai, Frédéric, ce qui signifie que c'est la 9e journée intercantonale de la formation professionnelle. Oui, Mike, un événement qui se déroule dans 19 cantons et le Liechtenstein, relayé par quelques 26 radios régionales, dont Radio Fribourg. L'objectif d'une telle manifestation n'est pas seulement de promouvoir l'apprentissage auprès des jeunes et de leurs parents, mais aussi de montrer qu'il n'est jamais trop tard pour se former. Pour entamer cette journée un peu particulière, nous accueillons en direct Christophe Nidec, chef du service de la formation professionnelle du canton de Fribourg. Christophe Nidec, bonjour. Bonjour. Alors, l'apprentissage un peu dénigré par le passé, il retrouve actuellement ses nettes lettres de noblesse. Les jeunes, et notamment les jeunes fribourgeois, s'engagent plus volontiers dans cette voie. Oui, ça fait maintenant plusieurs années qu'on connaît un succès grandissant avec un nombre de contrats, de signatures de contrats d'apprentissage croissant. Ça se développe bien, on est très contents effectivement. Mais il y a toutefois des branches, comme par exemple dans le bâtiment ou dans l'agriculture, qui peinent à recruter. Comment convaincre les jeunes de choisir des métiers de prime abord pas forcément attrayants ? Effectivement, le canton de Fribourg a un nombre à peu près équivalent de contrats d'apprentissage signés chaque année. Un nombre de jeunes qui va quand même en croissant, puisque le canton de Fribourg a une démographie, on va pas dire galopante, mais qui augmente régulièrement. Et puis, certains métiers sont très recherchés et d'autres, effectivement, peinent des fois à trouver des jeunes qui sont prêts à s'engager dans ces métiers-là. Il s'agit effectivement notamment des métiers du bâtiment et du sconteuvre. Alors, concrètement, qu'est-ce que fait le canton pour favoriser ces apprentissages ? Alors, la priorité, ou en tout cas le premier devoir, c'est plutôt du côté des organisations professionnelles. Donc, c'est l'association professionnelle de ces métiers qui doit promouvoir ces métiers, qui doit faire des actions. Et le canton est en arrière-plan pour leur donner un coup de main, notamment lors des cas des journées de formation professionnelle à Radio Fribourg, de les inviter pour faire part de leurs soucis et puis pour promouvoir leur métier. Quel impact a réellement, par exemple, une journée comme celle-ci pour la promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle ? Alors l'idée, c'est vraiment de parler, de faire la promotion de la formation professionnelle, d'en faire un thème pour toute la journée. Et c'est vrai qu'on a souvent des retours de personnes qui nous disent « On vous a entendu à Radio Fribourg, on aimerait bien engager des apprentis, comment est-ce qu'on peut faire ?» Moi, j'ai peut-être eu une fois un petit souci, j'ai eu une belle réussite avec les apprentis. Et c'est vraiment de créer, de susciter le débat et puis d'intéresser les parents et les jeunes à cette formation. Ce qu'il faut aussi souligner, Christophe Nidec, c'est qu'aujourd'hui, rien n'est figé dans le marbre. Alors, grâce à la maturité professionnelle, par exemple, on peut très bien faire un apprentissage, hein, puis par la suite poursuivre ses études. Ça a changé considérablement la donne, ce paramètre. Alors, effectivement, la formation professionnelle, il y a quelques années en arrière, c'était un CFC, puis on se retrouvait peut-être bloqué dans une voie. C'était aussi les traditions à l'époque de commencer un apprentissage dans une entreprise, puis on partait presque 50 ans, je caricature un petit peu, mais presque 50 ans après à la retraite. Aujourd'hui, on sait que les gens vont exercer 3, 4, 5, 6 métiers dans leur vie. Et puis, l'avantage aujourd'hui de la formation professionnelle, c'est lorsqu'un jeune a fini son CFC, toutes les voies sont ouvertes. Il peut changer de profession, il peut faire des formations supérieures, il peut partir dans une haute école. Donc aujourd'hui, le CFC n'est plus un but en soi. En fait, il s'agit presque plus d'une première étape de vie avant de continuer à se former. Et c'est vraiment ça qui est devenu attrayant. Est-ce que quand même les employeurs ne sont pas toujours prêts à jouer le jeu, hein, notamment en raison de ce qu'implique pour eux la maturité professionnelle ? Alors, la plupart des employeurs, des formateurs en entreprise jouent bien le jeu, donc engagent des jeunes, ça c'est pas forcément le grand problème. Il n'y a pas toutes les entreprises qui forment, là on pourra encore créer quelques places. Et puis en ce qui concerne la maturité professionnelle, pour certains métiers, autoriser un jeune à faire cette maturité pendant l'apprentissage implique qu'il va notamment un jour de plus au cours. Alors évidemment, au lieu d'être un, il est deux jours au cours. Et dans certains métiers, certains formateurs en entreprise sont peut-être réticents à laisser leurs apprentis faire la maturité professionnelle durant l'apprentissage. Alors quel est le plus gros problème selon vous encore maintenant ? Alors, pour la maturité professionnelle, on peut le faire de deux façons. Soit on le fait durant l'apprentissage, soit on le fait une année à plein temps après. Si un jeune a les capacités scolaires de le faire en même temps, c'est vrai que c'est quand même un plus. Il peut faire en même temps, durant la même durée, un CFC et une maturité professionnelle. Mais si ça ne devait pas jouer, il y a quand même le blind ou la solution de rechange, c'est de faire la maturité professionnelle en plein temps, une année après le CFC. Parlons à présent de ce changement majeur pour la formation professionnelle supérieure qui arrivera dès le 1er janvier prochain. C'est l'implication financière de la Confédération, donc c'est un élément positif, mais qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Alors il s'agit des personnes qui font un brevet ou une maîtrise. Donc c'est, la plupart du temps, c'est des gens qui ont fait un CFC, qui d'après, ils peuvent devenir donc des cadres intermédiaires dans leur entreprise. Jusqu'à aujourd'hui, ils payaient la totalité des frais de cette formation-là. C'est des frais qui peuvent s'élever à plusieurs milliers de francs. Le changement dès le 1er janvier prochain, c'est que la Confédération va rembourser jusqu'à 50% de ces frais, ce qui va faire diminuer les coûts de ces frais de formation. L'idée, c'est que plus en plus de gens fassent également, après ce CFC, un brevet ou une maîtrise. Christophe Nidecre, vous êtes donc, je le rappelle, le chef du service de la formation professionnelle du canton de Fribourg. Et donc, vous étiez en direct avec nous pour lancer cette 9e journée intercantonale de la formation professionnelle. Et pour illustrer ses propos, Karine Baumgartner nous emmènera sur le coup des 7h30 cette fois dans une boucherie sarinoise qui forme des bouchères charcutières. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Une entrevue à réécouter quand vous le souhaitez sur radiofr.ch. Beaucoup d'invités aujourd'hui, notons également l'invité du mercredi avec Georges Vial, qui est directeur de l'école des métiers de Fribourg. N'hésitez pas vous autres, si vous avez, une entreprise dans laquelle vous aimeriez bien former des apprentis, la faire connaître un petit peu, qu'on en parle ce matin. Il y a l'autre WhatsApp, 079 127 70 60, 6h plus 39 minutes sur Radio Fribourg avant 7h. Je vous appelle et je vous souhaite un joyeux anniversaire. Radio Fribourg en FM à Fribourg sur 106.1 et en DAB+ sur toute la Suisse romande.